Bonsoir, j'entends rien du tout. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, un épisode sur qui n'a rien de spécial. Je vais essayer de mettre des morceaux qui ne sont ni bons, ni trop bons, ni trop mauvais. J'ai l'impression que ça sonne très très très très bas. Si quelqu'un sur le chat pouvait... ouais. Alors, je vais essayer de régler ce problème. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je voulais pas mettre ça. On va commencer par un morceau de Men at Work. Thank you. C'était Men at Work. People just love to play. Thank you. Entretien de Grenoble, rien de spécial, là c'était DJ Kale, je sais pas quel morceau, c'est la fin d'un morceau, ça vient d'une cassette, album Naturally. De Grenoble, rien de spécial. J'ai choisi des morceaux, des disques un peu que j'écoutais pas souvent et j'ai choisi les morceaux un peu au hasard. L'idée c'est d'essayer de mettre des morceaux pas trop mauvais mais pas trop bons non plus. Donc avant là on venait d'écouter Steve Hillage, c'est quoi le morceau? Searching for the Spark. Qui, j'avoue, on est à la limite là, un petit peu. Et avant, c'était JJ Cale, Bringing It Back. Alors une petite anecdote rigolote, visuelle, ceci dit. C'est une cassette, donc c'est l'album Naturally, mais la pochette de la cassette, c'est 8, le 8e album, j'imagine, de JJ. Voilà. Et je pense que Naturally, malgré tout, est sûrement un peu meilleur que le 8e album de JJ Cale. Là, on écoute quelque chose qui tombe bien. Alors je voulais pas justement, bon, je voulais mettre des morceaux et pas tomber dans quelque chose qui serait pas de la musique ou le rien quoi, là, c'est-à-dire des trucs où il y a presque pas de son, etc. Voilà, je pense que ce sera le seul morceau un peu ambiante que je passerai. Je voulais essayer de rester dans quelque chose de pop. Afin de questionner si finalement, on peut se passer de jugement. Voilà. On peut se passer du jugement esthétique. Il se trouve que pour l'instant, je trouve que le fait de mettre des morceaux, de les écouter, les rend tous bons, intéressants. Voilà. On va voir si ça se perpétue au cours de l'émission qui va durer 2 heures cette fois-ci. Voilà, on continue avec un groupe français. Voilà, ben, est-ce que ça marche? Est-ce que ça va marcher? Je vais voir, peut-être pas, peut-être que oui. Ah, si, c'est bon. On écoute ça. Ta chance, cowboy, car la nuit passe vite, sur l'avenue s'écoule vite. Pas rester à Bangkok, toujours à la recherche de nouvelles sensations. Pour ça, tu en oublies les législations. As-tu bien réfléchi au risque du métier? Avant d'aller danser avec des frères aux pieds, même si tu te dis ce karma des voyous, que d'aller faire un tour à l'hôtel des gros verrous. Et y'en a même encore qui vont toujours plus loin, sans la remettre à Dieu pour leur destin. Ils passent la frontière à tout risque clandestin. Ils sur un peu de singes font leur chemin pour aller soutenir le combat. Donc je ne sais quel guérilla. Ils mènent des actions coup de poing sur le territoire d'un pays voisin. Mais comme vous le verrez, ils ont besoin de repos, de full contact à fleur de peau. Alors tout le temps, ils font un combat pour retrouver les vies des quartiers chauds. P-A-N-G-K-O-K. Sa version 4-fong, les musicaux savent installer leur matos sur un bord de trottoir du matin jusqu'au soir. Une seule chanson à leur répertoire, une seule vibration. Thank you. Joe Jackson, Stepping Out. Il n'y a pas un truc comme quoi tu entends une émission, un morceau trop de fois. Après, il ne devient ni bon ni mauvais. Ce morceau, je crois que si, ça passait beaucoup dans les magasins Walmart, il me semble. Alors, est-ce que toute la pop est... doit devenir quelque chose de ni bon, ni mauvais, ni mauvais. On va continuer avec la pop 80s, avec Toto. Un morceau pop tellement pris au hasard, enfin c'est le premier de la phase 2. Thank you. Beside the dark, beneath the mire, cold, grey, dusty day, the morning lay, drinks up the sky. Kathmandu, I'll soon be seeing you, and your strange wisdom time will hold me down. Super. Chop me some broken wood. We'll start a fire, white, warm like the dawn, and help me see. Oh, Satan's tree. Vous m'entendez là ou pas? Oui, ah ouais, aïe aïe aïe. Merci, ouais. Ouais, c'est super, on a mis 3 morceaux de Cat Stevens, désolé pour les petits. Pour les petits trucs. Alors on continue l'émission, tant bien. And so my mind. Si j'ai un sac DJ, il y a marqué Zomo dessus. Voilà. Merci à tous. Thank you. pour les problèmes techniques. Lily a apporté des petits sausage rolls. Bon appétit à tous si vous prenez l'apéritif. Et vive les disques qui sautent. Thank you. donc. Serrance Paradise, dure 16 minutes. 16 minutes, on peut danser au même rythme. En pratiquant pratiquement la même, même expression. Voilà. On essaie de savoir si on peut ne pas juger un morceau. S'il faut juger un morceau, etc. En essayant de trouver cette ligne fine où les morceaux qu'on met ne sont dans rien de particulier. C'est encore autre chose que d'être vibrant. Donc on continue donc toujours avec ce même procédé un peu aléatoire de choisir des morceaux sur des albums un peu ignorés, enfin pour ma part. Voilà, on continue avec totalement un autre style, c'est Skid Row. Je crois que c'est du hard. Why can't you do it? Thank you. vous êtes bien sur les entretiens de Grenoble. Mission spéciale, rien de spécial. C'était Grand Popo Football Club avec Each Finger as an Attitude. On continue avec un morceau de Peter Gabriel. Merci à tous d'écouter cette émission, rien de spécial. Peut-on cesser de juger ? Ça doit être San Jacinto. Red paint, eagle feathers, coyote calling, it has begun. Something moving, tasted in my mouth and in my heart. Tintin de Grenoble. On continue, là c'était Squeeze, un album assez vieux, assez récent, 87. Bon, là c'est peut-être le morceau bien. Big Bag, bon bah voilà. We'll be right back. couldn't see what it was, and it suddenly dawned on me, and I'm ready, babe. I'm ready for you. And I came back to do anything you wanna do. Entretien de Grenoble, rien de spécial, continue avec un morceau, c'était un morceau de Scott Ellison. Scott Ellison, c'est son live à Joey's, Home of the Blues in Tulsa, Oklahoma, de 91, j'imagine 93. On continue avec un petit peu de rock américain, c'est le groupe Sisters. We'll be right back. Yeah. I'm not afraid to die. les entretiens de Grenoble vont bientôt toucher à leur fin d'ici 17 minutes. Bon, ça va, il reste un peu de temps. Une musique peut-elle se passer de jugement ? Une musique peut se passer de jugement quand elle s'évoque toute seule. Elle-même, toute seule. Peut-on cesser de juger ? Peut-on cesser de juger ? On écoutait Pylon. On écoute toujours Pylon. Je sais pas quel morceau c'est. Un groupe de San Francisco, non, du Texas. Cassette achetée à Nashville. Pour la petite histoire. Et avant, c'était Boney M. No More Chain Gang. Et là, on va écouter un album de Third World, le groupe de reggae fameux. Moins connu que ces albums plus connus. Il s'appelle Sense of Purpose. Et c'est le morceau éponyme de l'album. Pour vous ce soir, sur les entretiens de Grenoble, l'émission spéciale, rien de spécial. Merci à tous. La naissance des temps nouveaux me surprit bientôt. La poussière bleue du chagrin s'est levée sur tous les chemins où courait comme feu follet mon ami garé. Puis il y eut ce sentiment nouveau, ce souffle sur ma peau, le plaisir avec toi. Puis il y eut la joie d'être éveillé par le premier baiser. Je t'aime. voir son goût. Tes baisers sont si doux. Entretien de Grenoble, c'est fini. Merci à tous d'avoir écouté cette émission sans rien de spécial, avec des morceaux qui, a priori, n'avaient rien de spécial, mais en fait, si. Vive la musique et vive Pinode. À bientôt.